Je ne sais plus très bien quel jour c'était, mais cela n'a pas d'importance. Je me souviens seulement que mes idées affichaient parti en vacances. Je tournais en rond dans le salon, entre fauteuil et canapé. En regardant fixement le plafond, il me semblait que je n'avais rien à dire. Je pensais développer sans un problème une histoire à dormir debout. Quoi tenir l'univers en haleine, je tombais très vite à genoux. Car je pensais qu'un verre ou deux m'aiderait sûrement à saisir la phrase ou le mot lumineux. Mais sur ma feuille on pouvait lire rien à dire. J'épluchais ma vie, la société, essayant de leur soutirer quelques bons sentiments, mais devant leur férocité, je pensais mieux m'abstenir. Par de la pluie ou du beau temps, mais fais sourire les gens. N'essaye pas de mentir, c'est le bidable, tu n'as rien à dire. J'aurais pu me taire, d'autres savent bien mieux faire. Coller des mots sans intérêt, une histoire de monnaie. L'humour est ma thérapie pour digérer ma colère. Face aux combats de tous horizons qui nous bassinent même continents. Thérapie.